Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Ceci est l'épisode numéro 11. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur et pour se joindre à moi dans un charmant Tim Hortons du nord du Québec, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud. Des Laurentides quand même, le nord des du Québec, c'est un petit peu plus loin que ça. Là. Des Laurentides. Écoute, c'est super, j'entends. Ça me rappelle, il y a une balado que j'aime bien écouter avec... C'est quoi, non? C'est BDM puis Michael Flores. Je me rappelle plus du site, en tout cas. Puis eux, sont toujours dans un café de New York, puis ils jasent, puis ils enregistrent leur podcast là. Fait que là, en entendant les gens des Laurentides dans ton Tim Hortons, je suis tout ému. Fait que ça va donner un petit côté bien en direct à notre épisode. Ça va être super. Oui, mais j'espère qu'ils vont juste pas passer l'aspirateur pendant que je suis en train de parler. J'espère aussi. Prends le temps de ça, je vais mettre un patoum. Mais aussi, Renaud, cette semaine, on a un invité spécial parce qu'on a un sujet spécial puis on voulait avoir quelqu'un avec nous pour discuter de ça plus en profondeur. Et je présente à nos auditeurs pour la première fois à la balado, nul autre que Bruno Pierre Morin. Salut. Tu peux t'appeler BP? BP, c'est bon ça? Oui. All right. Ça va bien, BP? Oui, ça va bien, vous? Yes, ça va super bien, merci. Donc, le topo qu'on va traiter aujourd'hui à Magic 101, c'est le côté financier de Magic. Donc, depuis le début qu'on discute, c'est tout le temps comme un sujet qui flotte dans plusieurs des épisodes, le côté financier de Magic. Et je pense que c'est une partie intégrale de ce jeu-là, d'être un peu conscient de la valeur des cartes avec lesquelles on joue et d'essayer à quelque part de peut-être minimiser les dépenses qu'on encourt avec ce jeu-là. Parce qu'on sait que Magic peut être un jeu quand même très coûteux. Et il y a quand même une manière de gérer peut-être sa collection pour minimiser les pertes financières qui pourraient être liées avec ça et peut-être même parfois aller générer quelques petits profits à gauche et à droite si c'est quelque chose qui nous intéresse. Fait que dans le fond, j'aimerais ça qu'on commence l'épisode en bien général, BP puis Renaud, peut-être en parlant de vous, en gros, ça a l'air de quoi votre collection puis comment vous avez commencé peut-être à bâtir votre collection de Magic? En général, ça a été quoi le point de départ pour vous de partir une collection de Magic et comment vous faites pour la maintenir au fil des années? Je sais pas si tu me permets de commencer. Ben oui, bien sûr, vas-y. Oui, vas-y. OK. Ben en fait, c'est ça. Moi, ça fait depuis 2008 que je joue. Mm-hmm. J'ai commencé à Sherbrooke dans le temps que Renaud recommençait à jouer, en fait, là. Okay. On est les deux joueurs, je pense, qui restent de la clique initiale de l'époque, qui jouent encore, je pense, à Sherbrooke, même si je suis plus vraiment dans le cas. Puis c'est ça, j'avais commencé dans le bloc, je me souviens bien, Shards of Valhalla, okay. En 2008. Puis c'est ça, à l'époque, bon, je savais très peu, tu arrives dans l'univers de Magic et tu joues avec... whatever carte que tu trouves pour toi, ben ça pas chaque carte a une valeur pour toi tant qu'elle fit bien dans ton deck, là, peu importe le format. Mm-hmm. Mais là, tu te rends vite compte que bon, il y a des formats à ce jeu-là, il y a des façons de jouer, il y a des cartes qui sont très très bonnes, mais ne sont pas jouées à cause que soit ne sont pas dans les sets requis pour un format. Mm-hmm. Ou... puis là, tu apprends très vite que, bon, si tu veux jouer contre les joueurs à des tournois compétitifs, ben, faut que tu arrives avec quelque chose qui est pas si mal. Puis là, ben, tu te rends compte vite que c'est toutes les mêmes cartes qui sont en demande, toutes les mêmes cartes qui sont. Fait que là, ben, faut que tu diriges tout le temps vers ça. Là, puis à un moment donné, tu te rends compte, ben, écoute. Je commence à gagner finalement avec ce type de carte là. Bon, contrairement à d'autres types de cartes qui bon, dans ma tête auraient fait la même chose. Fait que bon, mais c'est ça, ces cartes là ben au final, ben tu te rends compte que des fois ils valent plus cher, puis là, ben la demande monte, veut pas, le monde va. T'sais, c'est comme si tu crées, mettons, un environnement fermé, puis les cartes, tu gagnes semaine après semaine avec les mêmes cartes. Mais c'est sûr que dans ton environnement fermé, ce type de carte-là va monter en demande parce que le monde va vouloir la jouer, le monde va vouloir tout à fait. Fait que c'est certain que c'est ça. Moi, ma collection, c'est ça, je l'ai bâti depuis ce temps-là, dans le fond. Puis à chaque rotation de standard, ben, qu'est-ce que j'essayais de faire, c'est de me débarrasser, je pourrais dire, au bon moment. Ça, c'est un sujet qu'on va peut-être retoucher plus loin dans l'épisode. Mm-hmm. Mais me débarrasser au bon moment de ma collection standard pour en gardant les pièces clés pour les autres formats. Ouais, pour, ben écoute, tu touches un bon point, puis je vais t'interrompre pour parce que je pense que c'est vraiment une des affaires que moi j'ai apprises peut-être un peu sur le tard, mais c'est que moi, mon exemple parfait pour ça, c'est Boros Reckoner. Parce que moi, j'ai commencé à jouer dans... quand, justement, Return to Ravnica, ben, j'ai joué à Magic quand j'étais pendant Revise, mais j'ai arrêté, disons, pendant Tempest, puis j'ai recommencé à la fin d'Innistrad, et j'ai rejoué Standard à partir de Return to Ravnica et tout ce bloc-là. Et donc, je me rappelle très bien quand Boros Reckoner avait gagné, il me semble que c'est soit un Pro Tour ou un Grand Prix, et la carte était montée à 35$ tout de suite, finalement. Fait que c'est parti d'une carte à 2-3$ pour se rendre à 35, pour stagner peut-être autour de 15, et une fois qu'elle est sortie de standard, donc elle avait plus d'utilité dans d'autres formats, elle est tombée à comme quoi 2$, mettons. Fait que moi, c'est cette carte-là qui m'a fait comme réaliser que, ok, ouais, il y a vraiment, dépendamment si une carte est jouée beaucoup en standard, si elle remporte des cartes et si, des grands prix ou des pro-tours, et s'il y a comme le potentiel qu'elle soit peut-être jouée, disons, en moderne, ça va comme un peu enfler son prix. Puis si t'es capable de reconnaître les moments où le prix est enflé sur certaines cartes mais qui est pas essentiel pour toi dans ton deck, par exemple, ben t'essaies de rentabiliser ces moments-là pour pouvoir maintenir un espèce de fond de roulement pour continuer à jouer à Magic à long terme, finalement. Fait que toi, est-ce que c'est une façon que t'as de faire le côté financier? Je te dirais que c'est dur justement dans ces moments-là de dire que tu vas te débarrasser de ce type de carte-là quand tout le monde la joue. Toi aussi, veux pas, tu vas vouloir la jouer. Ouais. c'est ce qui gagne. C'est ce qui est comment je peux dire, le hype du moment. Ouais. Donc, c'est ce qui gagne. Tu veux essayer le même type de deck que les pros ont joué. Tu veux... un deck qui a gagné un Pro Tour, c'est sûr que tu vas avoir une chance d'un Friday Night avec ça. Mais. Fait que c'est certain que... Il y a de bonnes chances. C'est certain que... Si je peux me permettre... Vas-y. Moi, pendant 6 mois environ, j'ai tenu des statistiques, puis je regardais vraiment, j'étais très serré sur qu'est-ce que j'achetais, qu'est-ce que je vendais, puis les moments que je vendais, puis etc. OK. 6-8 mois à peu près. Puis en maintenant serré, je me suis rendu compte que je perdais 30% de chaque dollar que je mettais dans Magic, de toute façon. Mm-hmm. En frais, des frais de tournoi, des choses comme ça, etc. Ouais. En comptant mes gains de tournoi, là, puis les ventes de cartes que je faisais... c'est toujours difficile de reprendre la valeur. Puis si t'es capable d'aller reprendre avec, mettons, tes Boros Reckoner, t'as un playset de Boros Reckoner, t'es capable de les vendre à 35$, puis tu fais 200%, 300% de profit dessus. Ouais. Mais il y a plein d'autres cartes que tu vas devoir te débarrasser à perte. Puis au final, ça fait à peu près 60-70% de la valeur que tu mets, que tu ressors lorsque tu revends tes cartes. Fait que j'ai arrêté de compter. Quand je me suis rendu compte que c'était pas mal stable, là, j'ai arrêté de compter. C'est sûr qu'il y a moyen de faire des coups d'argent sur des affaires, puis que si je faisais juste ça de ma vie, probablement que je serais capable. Mais tu sais, si je faisais juste ça de ma vie, m'occuper de finances, ben je le ferais à la bourse, là, je le ferais pas avec des cartes Magic. Ouais. Mais il y a une autre affaire, par exemple. C'est que BP, Bruno Pierre, il est vraiment plus organisé que moi pour gérer sa collection. Si tu rentres chez BP, toutes ses boîtes, c'est tout classé, c'est tout bien classé. Mm-hmm. Puis s'il y a une des choses qui peut-être qu'il pourrait nous dire, c'est comment il classe ses cartes. Puis moi, j'ai jamais réussi à le faire parce que je suis pas super organisé pour ce genre de choses-là. Mais, mais je conseille aux gens de le faire parce que ça a l'air vraiment plus facile après ça de pouvoir sortir les cartes justement qui peuvent monter ou des choses comme ça, puis de les vendre à ce moment-là. Puis t'as pas besoin de... Tu te réveilles pas un matin en te disant « Ah, je pourrais vendre des cartes, mais il faut que je repasse au travers des 10 boîtes de ma collection au complet. Repasser au travers pour les sortir de là. Ben, c'est un bon point, je ça. Sais plus où est-ce qu'ils sont. Puis quelqu'un qui te demande des cartes à échanger, puis tu sais pas où est-ce qu'ils sont, puis tu dis ben j'en ai, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont là, puis je peux pas te les donner là quand tu veux, là, parce que si tu veux vendre ou échanger, il faut que tu aies les cartes au moment que la personne les demande. Si tu les as pas, ben il va les trouver ailleurs le lendemain le hype va être passé, tu sais, puis il voudra plus de toute façon. Ouais, ben, parce qu'il va s'être rendu compte que ça vaut pas la peine de les acheter ou quoi que ce soit. Fait que quand t'as un bon moment pour vendre, c'est le moment que la personne veut la carte, puis ça revient, des fois ça reviendra jamais. Ben ouais, puis dans le fond, je formulerais ça en une question directe pour BP, justement, parce que le début d'une collection, c'est peut-être aussi de comment s'organiser. Moi, c'est une espèce de combat de tous les jours de savoir c'est quoi une des bonnes façons d'organiser. La meilleure ses façon. Peut-être pas la meilleure, mais mettons une bonne façon. Toi, tu t'y prends comment pour gérer ta collection d'un point de vue vraiment de base, là? De base, écoute, j'ai dû déménager il y a pas longtemps, fait que, j'ai dû faire du ménage là-dedans. C'était déjà quand même bien classé. La façon que je m'organisais, c'est que de un, je les classe par série, donc de la plus vieille à la plus récente. Donc j'ai souvent, quand tu vas jouer standard, tu vas juste aller à revoir dans comme peut-être deux boîtes maximum là-dedans si tu les classes par série. C'est ça qui est le fun, parce que, je veux dire, par format, si tu joues avec les formats et tu joues pas comme casual ou whatever, si tu joues par format, tu vas vouloir certaines séries. Tu vas savoir dans quelle série sont tes cartes. Tu peux le voir sur Internet dans quelle série sont tes cartes si tu as besoin de les chercher. Si tes séries sont toutes en ordre, déjà là, c'est un bon plus pour commencer. Pour en avoir classé en masse de la carte, la meilleure façon, c'est par couleur, après par série. Si t'es bien, t'as bien de la motivation aussi, t'as le collector's number qui, évidemment, que c'est par ordre alphabétique après. Donc, si tu les classes par couleur et par alphabétique après la couleur, tu vas te retrouver à les classer par collector's number. Fait que, je veux dire, après ça, ça prend un certain temps, c'est sûr. Si tu pars de rien, puis écoute, ça fait 10 ans que tu joues, je te dis, prends-toi une semaine, mettons. Parce que là, t'as du travail. Mais sinon, c'est la meilleure façon, je pense, de les classer, là, parce que, tu veux bâtir un deck, écoute, ça prend pas de temps. Tu prends tes deux boîtes standard ou ta boîte standard, tu l'ouvres, c'est tout classé. J'ai dans cette série-là, dans cette couleur-là, et bam, j'ai mon playset. Souvent, je gardais un playset, mettons, par boîte, ou deux playsets, comme ça, j'avais. Puis le reste, je mettais dans une boîte à part, donc j'avais pas comme. Trop de boîtes standard. Mettons 4 boîtes standard de la même série. Mettons que je jouais gros cette série-là ou whatever. Ça, c'était utile. Ce qui était utile aussi pour. Renaud parlait pour les vendre. C'est l'accessibilité à tes cartes sur demande comme ça. Moi, je disais, j'utilisais ça pour faire des decks, mais aussi pour vendre en effet. Le magasin du coin, il prend tes GTA Action Pro, à 3$ en trade, tu vas le regarder dans tes boîtes, puis si tu en as 20, tant mieux, tu vas les prendre, puis tu vas les amener. J'ai fait ça, je pense, le dernier exemple que j'ai de ça, c'était, j'avais vendu mon standard pour la dernière saison, là, j'avais vendu mon standard tout cet été parce que j'avais déménagé. J'avais plus beaucoup de magasins juste en bas, proche. Je retournais des fois au Griffon, puis je voulais me prendre des cartes. Puis des fois, j'ai regardé leur buy list, puis je me suis rendu compte, qu'il y avait un deck standard qui avait popé, puis que j'étais vraiment pas au courant qu'il y avait une non-commune. C'était Favorite Hoplite, la la 1-2 héroïque. Ouais. Qui est quand tu la target, elle a un plus 1. Je pense qu'elle a gagné de protection aussi, là, si je me trompe pas. Ouais. En tout cas, ben, je n'avais une vingtaine dans ma boîte. Fait que là, écoute, il prenait 1$, fait que je les ai amenés. Mais tu sais, c'est des genres de trucs que oui, si t'as accès rapidement, puis t'as l'opportunité de les passer au bon moment, ben ça va être utile, c'est certain. C'est certain. Ouais. Mais et tout, c'est ça. Là, j'ai plein de questions que je voudrais te poser. Il y a notamment le fait de justement comment synchroniser peut-être ces moments de on accumule des cartes standard, puis à quel moment on sort d'une série tranquillement dans, disons, la vie de standard. C'est quand le moment dans l'année pour toi que ça a l'air d'être un pivot pour dire bon, mais là, ça commence à être le temps. Les cartes que je joue moins qui sont des. Parce que c'est tout le temps le fun de se garder un deck standard puis pas nécessairement tout liquider sa collection standard. Mais si on sent là que à quel moment d'une année pour toi tu penses que c'est le meilleur moment pour tranquillement comme on dit en anglais, cash in certaines cartes, dire bon mais là je pense qu'ils ont leur valeur quand même bonne pour standard, mais éventuellement on va les perdre, donc ça vaut la peine de peut-être s'en servir pour réinvestir dans sa collection. Ben ça c'est un truc qui va changer prochainement, mais pour les dernières années ce qui était bien de faire, c'est justement regarder sa collection standard, regarder un deck qu'on voulait garder jusqu'à la fin de la rotation, qui semblait un bon choix jusqu'à la fin de la rotation, et ensuite liquider le reste environ, parce qu'il y avait une rotation à chaque octobre, donc sortie du nouveau bloc, chaque premier set d'un bloc en octobre, qui dans le fond, amenait le bloc précédent et le core set précédent. Deux core sets précédents, en fait. Là. Le core set de l'année dernière et le bloc de l'année dernière, il l'amenait en dehors de standard. Fait qu'à ce moment-là, les cartes qui, dans le fond, s'en allaient de standard en octobre, c'était bon souvent de les passer là, quand même tôt dans l'année. Quasiment maintenant. Je te dirais maintenant, là, c'est un peu tôt parce que la dernière série, elle est pas sortie. Ouais. C'est quoi, Dragons of Tarkir, la dernière série, là, après Fire Forge. Dans un bloc comme ça, avec trois séries, qui était souvent le cas, ben, à la fin de, mettons, à la sortie de Dragons of Tarkir, puis quand la metagame était établie, écoute, tu te bâtissais un deck que tu sais qu'il allait aller jusqu'à la rotation, mis à part peut-être le core set qui allait changer un peu les choses. Mais tu te bâtissais un deck qui allait aller jusqu'à la rotation. Puis écoute, souvent c'était assez bon pour que tu liquides tout le restant de ta collection standard à peu près, je dis à ce moment-là, mais peut-être à la prochaine série. Avant que tu continues, j'aurais une question. Est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'à Magic, la façon d'aller rentabiliser le plus la valeur d'une carte, c'est en l'échangeant contre une autre carte. C'est-à-dire que quand on veut passer d'une carte à de l'argent, disons, liquide, c'est plus difficile d'avoir 100% de la valeur, tandis qu'en échange, souvent, on peut aller chercher un peu plus près de la valeur. C'est quoi tu penses? Moi, j'ai l'impression que d'aller vers des cartes, disons, dans des formats plus éternels comme Modern ou Legacy, peut-être vers des valeurs sûres comme des Staples ou peut-être des Lands, par exemple, ça peut être une bonne façon de transformer des cartes standards qui risquent de perdre de la valeur vers des cartes qui ont un peu plus de stabilité dans le temps. Est-ce que pour toi, c'est une façon d'aller chercher le maximum de valeur d'une carte, ou toi, tu préfères vendre puis aller chercher de l'argent pour réinvestir dans d'autres cartes plus tard? Qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Ouais, c'est une très bonne question, en fait. Je te dirais que oui, c'est important de savoir quand échanger ses cartes. Mais oui, c'est important de savoir souvent si c'est mieux les échanger pour de l'argent ou directement pour d'autres cartes. Je te dirais que les cartes les plus safe, ça va tout le temps être les cartes de la Reserve List, parce que Wizard a fait je sais pas c'est en quelle année ils ont établi ça, là, mais donc une liste de cartes qui ne seront jamais réimprimées. La réimpression d'une carte, souvent ça a tendance veut pas à baisser le prix de cette carte-là. Mais il y a quelques exceptions, c'est certain. Si le le print run, je sais pas comment dire, ouais. la session d'impression de cette carte-là est très limitée, mais c'est certain que ça peut faire des fois l'effet contraire. Si ouais, comme Tamragoyf dans Modern Masters. Exactement. Si le format gagne la popularité, même si la carte a une réimpression, ben des fois ça peut monter le prix de la carte. Meilleur exemple, c'est effectivement Tamragoyf dans le set Modern Master. Ouais, ouais. Modern Master a été la série la plus limitée en termes d'impression. Ouais. Donc c'est certain que avec la popularité grandissante du format moderne, ça a été ça a des fois l'effet contraire, mais je te dirais que c'est plutôt rare au niveau de ça. Normalement, quand il y a une réimpression, on voit le prix de la carte descendre. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, je te dirais c'est certain que la meilleure passe que tu peux faire par rapport à ça au niveau de value, si on peut dire, là, ouais. la valeur de tes cartes présentement, ça serait de l'échanger, mais pour une carte justement qui ne va jamais perdre de valeur. Mm-hmm. Donc comme des cartes sur la reserve list, puis le meilleur exemple c'est les dual land de Revise ou plus là, ouais, ouais. Donc ça mais Guillaume, t'as posé la question tantôt, la question de départ c'était ouais. comment s'assurer que ça te coûte pas cher ouais. jouer. Mm-hmm. Puis ouais. ben la meilleure façon, ben, selon moi, que ça te coûte le moins cher possible, c'est de gagner des tournois. Ouais, ouais. là, ça commence à vraiment être payant. Quand tu vas chercher un 200-300 piastres de crédit magasin ouais. dans un tournoi comme important, mm-hmm. moi, c'est comme ça que j'ai acheté mes Tarmogoyf. Mm. Ouais, c'est ça. On aura beau dire comment que tu veux, à un moment donné, il faut que tu en achètes. Faut que tu achètes certaines cartes pour rester en standard. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais de tes cartes standard? C'est là que tu vas faire la différence entre être capable d'aller chercher 50, 60, 70% de la valeur de ce que tu mets en standard mm-hmm. pour l'ajouter à ta collection permanente avec des cartes modernes ou legacy. Ouais. Là, le moment où est-ce que tu l'échanges, c'est vraiment important. Mais si des fois tu es mal pris, comme moi, Traktos, j'en avais besoin dans mon deck standard. J'en avais juste un playset, il était 25$. Mais j'ai joué le deck standard pendant toute la session de PTQ pendant l'été. Ouais. Puis après ça, quand je me suis reviré pour les vendre, après le dernier tournoi, ben, c'était rendu qu'il me donnait 4$ chaque. Ouais. Fait que, mais j'avais pas le choix de les garder, là. Ouais. Si tu veux avoir une chance de gagner des tournois, dans le fond, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais les tournois que j'ai gagné. J'ai fait top 8 de deux tournois pendant cette saison de PTQ-là, avec le deck que j'ai joué. Fait que les deux boîtes que j'ai gagnées en faisant mes tournois avec mes Traktos, ça l'a compensé pour la partie que j'ai pas eue en les revendant, quand je pouvais les vendre 20$, tu sais. Ouais, c'est intéressant, ça. On peut calculer comme ça, puis regarder, puis essayer de vendre au plus haut, mais des fois, tu peux pas vendre au plus haut parce que tu as besoin des cartes. Puis là, c'est là que choisir des bons decks, avoir une bonne stratégie, puis gagner des tournois peut devenir plus avantageux. Plus avantageux que de vraiment regarder juste le marché et tout ça. Puis... Ça, c'est pour les joueurs. Puis ceux ouais. qui sont collectionneurs, ben là, si vous voulez plus être collectionneur que joueur, ben là, il faut mm-hmm. vraiment que vous soyez tight sur vendre le plus quand c'est le plus haut, ouais. puis acheter quand c'est le plus bas. Puis pour être un bon collectionneur, faut quand même être un bon joueur pour savoir qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui peut monter, qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui n'est pas jouable dans le format. Mm-hmm. Puis ça, c'est en dehors des cartes, de juste la carte tout seul. Il faut que tu évalues le format en général pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Ouais, puis aussi, il y a peut-être améliorez-vous comme joueur, puis vous allez vous améliorer comme collectionneur aussi par la famille. Non, ça, c'est clair, c'est un bon point. Puis aussi, par exemple, il y a quand même certains petits détails de finance que moi, j'ai comme appris lentement en entendant des gens parler. Puis c'est comme des petites tendances que je trouve qui sont intéressantes quand même pour un auditeur, de dire, bon, mais moi, je vais sortir de cet épisode-là, puis il y a des affaires à propos de Magic qui sont des tendances lourdes qui arrivent souvent, puis que je vais pouvoir retirer. Comme là, par exemple, justement de réaliser que, bon, si, mettons, vous avez un deck standard qui fonctionne bien, puis vous pensez qu'il peut passer à travers le core set, même si là, c'est la dernière fois qu'on va en avoir un, Origins. Et justement, là, on pourra peut-être en parler tantôt, la nouvelle structure de standard risque d'influencer aussi les marchés, mais bon, c'est peut-être dur à prévoir, mais on pourra en parler quand même. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres comme facteurs qui sont stables à Magic. On a parlé tantôt, là, tu as parlé des cartes qui sont... bon, sur la liste de réserve, mais ou qui sont joués régulièrement dans des formats éternels comme Legacy et Modern, et de savoir que les versions foil de ces cartes-là, parce que les gens qui jouent souvent Legacy ou Modern aiment avoir, surtout Legacy, la version foil des cartes. Tu sais, comme Renault, j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais une fois où tu avais acheté un Young Pyromancer à 12$, je m'en rappellerai toujours. Et sur le coup, je comprenais pas trop, mais c'était ça, c'était cette notion-là que moi je savais pas, que les cartes foil qui ont des bonnes chances d'être jouées Legacy, ça peut être un bon investissement. Parce que, par exemple, si Treasure Cruise avait pas été. C'est banni en Legacy? Ouais. Banni. Donc, si ça avait pas été banni, le prix, dans le fond, aurait continué de monter. Donc, ça aurait été peut-être un endroit intéressant où mettre des sous en début de quand la carte commençait à sortir. Bref, donc les foil, ouais. Legacy, mais aussi, moi, ce que je savais pas... Oui, vas-y. Sur le Young Pyromancer foil. Ouais. Je l'ai vendu au New Jersey, 25$ US. Et voilà. En fait, j'ai vendu un playset complet, 100$ US. Yeah. Puis je les avais payés 10-12$, là, justement, canadiens. Ouais. Mais t'avais identifié que c'était une carte qui avait du potentiel Legacy, puis que la version foil serait un bon investissement. Dans le fond, ouais, tu l'avais identifié, c'est ça? Oui, clairement. Puis j'ai trouvé que c'est le bon moment, parce que j'étais pas mal certain que Treasure Cruise allait être banni aussi. Fait que c'était le bon moment à ce grand prix-là pour vendre. Mm-hmm. Mais j'aurais pas vendu ça à Sherbrooke, 25$ US chaque. Là. Fait qu'il y a une autre affaire qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des cartes high-end comme ça, dont vous voulez vous débarrasser, puis des fois le bon moment, c'est vraiment une fenêtre très petite, puis il faut que vous vous déplaciez un peu. Dans des gros tournois, pour qu'il y ait des gens qui veuillent acheter ces cartes-là. Ouais. Parce que bon, les groupes Facebook, des fois, ça permet de vendre quelques cartes. Là. Je sais pas, BP, il en a vendu une coupe, je pense, par les groupes d'échange là, ou des choses comme ça. Mais le gros de la business, ça se passe dans les magasins puis dans les gros tournois. Fait que, Puis est-ce que eBay, c'est une option, pas dans des grands prix, si vous vous déplacez pas dans des grands prix, c'est plus difficile. Là, parce que Sherbrooke, ben, il n'y a pas des acheteurs pour tout. Là. Non, effectivement. Mais justement, si on parle de ça, des endroits pour liquider, puis je continuerai ma petite liste après. Est-ce que toi, bébé, tu te sers d'outils comme justement eBay, ou est-ce que tu mets tes cartes en ligne sur TCG, je sais pas, des trucs comme ça, ou tu es vraiment plus les groupes et. Personnellement, moi, j'utilise les groupes. J'ai utilisé Kijiji une fois ou deux. C'est pour plus des lots, des trucs comme ça. Je suis pas. C'est ça, je suis pas vraiment actif sur eBay. Okay. Mais je dirais que c'est un outil formidable. Il y a beaucoup de compétition sur eBay. Donc, tu compétitions majoritairement aussi avec tous les vendeurs de la Chine et tout ça. Puis, écoute, c'est très difficile de vendre ta carte à un bon prix. Okay. Tant qu'à moi, en compétitionnant avec ce genre de monde-là, t'es mieux de les trader, tes cartes. Tu vas avoir plus de valeur pour. Ouais, ouais, exactement. Ça dépend de quoi qu'on parle. Si c'est des cartes très, très rares, qu'on voit pas tous les jours, ben écoute, c'est peut-être le meilleur endroit pour les vendre. Okay. C'est ça, parce que moi, j'ai un de mes bons amis qui, lui, avait acheté. C'était intéressé à Modern un peu avant qu'il y ait la grosse vague Modern, puis il regardait les decks pas trop chers, puis à l'époque vert, rouge, tronc, c'était pas trop cher à l'époque où Karn n'était pas cher, puis que les Spellskite coûtaient 1$. Il avait acheté comme vert, rouge, tronc, puis là finalement, là, quand il a vu la valeur des cartes, il a fini par mettre les cartes individuellement sur eBay, puis il a bien vendu un bon retour sur son investissement. Mais bon, c'est ça, il a décidé de jouer un autre deck Modern plutôt que, tu sais, il a comme vendu ses cartes, faire un peu de sous avec ça, puis réinvestir dans d'autres cartes qui étaient moins chères, qui pensaient qu'il y avait un peu de valeur, puis qu'il y avait le goût de jouer aussi dans le format. Ça, c'est une façon de faire, mais sauf que ça, lui, il trouve qu'il baisse, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est le fait qu'il y a l'espèce d'effet de la course vers le bas, là, au sens où toi, tu veux les vendre, fait que le prix affiché, c'est 10$, fait que tu mets 9,50$, puis l'autre d'après, il voit les tiennes à 9,50$, fait qu'il les met à 9$, puis l'autre d'après, il voit celle à 9$, il les met à 8,50$, fait que là, le prix peut descendre un peu plus vite là, sur des plateformes comme ouais, ça, que justement d'aller échanger, par exemple, dans un magasin avec d'autres joueurs. Mais puis aussi ben pour dire justement pour les foils, il y a une autre affaire que moi j'étais pas conscient, puis honnêtement c'est un format que je connais pas beaucoup non plus. Je sais pas si toi t'es conscient de ça, mais c'est de savoir un peu les cartes qui sont beaucoup jouées dans les decks Commander et d'aller vers les cartes foil de ce format-là, ou c'est quelque chose que toi tu prends pas trop en compte quand tu vois des cartes? Je dirais que la plupart j'ai joué beaucoup ce format-là à l'époque que ça commençait. Mm-hmm. Puis oui, j'ai profité beaucoup de cette vague-là de foil que je prenais à bon prix à l'époque. Mm-hmm. Puis après, j'ai fait quand même un bon deal en revendant ces cartes-là une fois que je jouais plus ce format-là. Ouais. Ça l'a monté, ça c'était démesuré comment ça triplait, quadruplait le prix des cartes, ouais, version foil par rapport à une normale, juste du fait qu'elle soit jouée dans un format comme Commander et vraiment aucune place ailleurs, peut-être, mis à part peut-être dans un cube ou quoi, mm-hmm, quoi que ce soit. Ouais. Fait que, écoute, juste pour dire, le meilleur exemple, t'as des affaires comme Bribery ou Consecrated Sphinx. Ouais. Que tu ne verras pas jouer moderne, tu ne verras pas jouer en Legacy, rien de ça, aucune version de n'importe quoi. Tu ne trouveras pas de deck avec ces cartes-là. Mm-hmm. Sauf que, ben, en Commander, ben, c'est une très bonne carte. Fait qu'une version foil, mettons, Bribery, ben, elle pouvait aller jusqu'à 70-80$ ouais, avant qu'elle soit reprintée et judge. Mm-hmm. Alors que la normale, elle est 15-20$ maximum. Ouais, ouais, c'est ça. Hein? C'est oui, ça peut être... à l'époque, c'était... On pouvait avoir des bons deals. Maintenant, c'est vraiment là, la rareté créée par l'apport de joueurs dans le format Commander a fait que ce genre de carte folle-là, il y avait une grande demande, fait que c'est certain que ça a drivé les prix vraiment dans le plafond. Ça a aussi une influence. Ça a aussi une influence sur la metagame, sur qu'est-ce qui est joué, puis sur comment les gens voient le jeu. Là. Mm-hmm. C'est les cartes comme Commander. Là. Ouais. Quand j'ai commencé à jouer Commander en 2009-2010, c'était au début du format avant. Les gens jouaient à Highlander depuis quand même longtemps, mm-hmm, mais comme Commander, Elder Dragon, là, mm-hmm, EDH. EDH. Mm-hmm. C'était encore légèrement marginal là, quand j'ai commencé à jouer en 2009. Mm-hmm. Puis les gens jouaient avec les cartes qu'ils avaient de surplus, qu'ils avaient dans leur collection, tu sais. Ouais, ouais. Ils jouaient pas, ils achetaient pas des cartes nécessairement pour ça, peut-être une ou deux cartes par-ci par-là pour que ça fitte avec leur deck, mais ils jouaient les cartes qu'ils voulaient jouer, qu'ils avaient dans leur collection. Ouais. Puis là, ben, au fil du temps, la metagame Commander s'est solidifiée, les decks se sont spécialisés, ils sont devenus vraiment très précis, très très bons, puis quasiment compétitifs. Mm-hmm. Puis c'est là que des cartes incontournables, jouables, que tout le monde voulait, se sont mises à monter vraiment rapidement, style Bribery, des choses comme ça. Ouais. Mais ça l'a un peu... Ben, parce que moi, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de jouer Commander. Puis il y a beaucoup de gens à Sherbrooke qui ont arrêté de jouer Commander parce que c'était plus l'idée du format derrière ça, de jouer avec les cartes que t'as dans ta collection. Ouais, ouais, ouais, je comprends. Parce que une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est une partie de la valeur de la collection, c'est pas juste la valeur monétaire, c'est aussi qu'est-ce que t'en fais tes cartes. T'sais. C'est un cube, mm-hmm, tu l'utilises jamais. Mais il vaut de quoi, mais si sur tes tablettes, il vaut rien. Si tu tu l'as pas vendu, il vaut rien. Là. Ouais, ouais. C'est de la, je comprends ce que tu veux dire. Si t'as pas un facteur plaisir qui s'ajoute, là, mm-hmm. Et ben, c'était la même chose pour mes cartes commandeurs. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je m'en suis débarrassé, mais j'aurais peut-être pas dû parce que aujourd'hui, c'est vraiment, je sais pas où est-ce qu'ils jouent commandeurs parce que à Sherbrooke, ça joue pas tant que ça, mm-hmm. mais il y a des endroits ah, encore ouais. où est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens font oui, c'est clair. Souvent jouer commandeurs. Fait que, en tout cas, mais tu sais, maintenant, j'achèterais aucune carte Commander. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'embarquerais dans ce format-là. Ouais. Ça coûte beaucoup trop cher, le prix d'entrée est beaucoup trop haut. Puis, d'après moi, ça peut pas vraiment monter plus que ça. Ouais, ok. Fait que... Puis, l'idée de faire de l'argent avec tout ça, ouais. je pourrais dire, en tournoi, tu peux oublier ça, là. Non, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est ça. Il n'y a aucun moyen de rentabiliser les cartes Commander, ça va être juste pour le plaisir. Fait que le prix d'entrée est vraiment élevé. Puis là, les gens, ils n'ont pas vraiment le goût de rentrer dans ce format-là non plus, parce que un deck Commander, ça peut coûter aussi cher qu'un deck Legacy, sinon plus, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben dans le fond, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est le genre d'affaire que j'ai pas l'œil pour les cartes Commander. Des fois, je vois souvent, mettons, des nouvelles cartes qui sont pendant la... Il y a les nouveaux spoilers, par exemple, là, qui sortent. Ils ont commencé à sortir pour Dragons of Tarkir. Puis là, je lis un peu les commentaires. Puis il y a du monde qui dit « Ah, ça va être joué partout en Commander. » Fait que là, le monde va déjà se garocher sur les versions foil au cas où que ça devienne une carte Commander qui va être jouée partout, dans le fond, puis qu'il y ait de la valeur qui se fasse. Puis ça m'amène à me poser une question, justement, les gars. C'est quoi, vous, vos habitudes d'acheter en pré-vente? Est-ce que ça peut être rentable ou on enlève ça de notre liste, pré-acheter des cartes en pré-vente? Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des opportunités d'acheter des cartes qui vous seront peut-être plus chères à l'avenir? Ou est-ce que vous ne touchez pas à ça, vous attendez que ça sorte? Et c'est quand le bon moment, disons, pour commencer à entrer dans une série? Est-ce que c'est en pré-vente? Est-ce que c'est au pré-release? Est-ce que c'est après? C'est quand le bon moment pour rentrer dans une série, selon vous? Peut-être BP? Ouais, ben moi, mon habitude pour ne pas dépenser trop sur une nouvelle série, par exemple en standard, c'était de... ben à la base, je m'achetais une boîte pour commencer. Okay. Puis dépendamment de ce que j'ouvrais, ben je savais quel deck je voulais jouer. Toutes les cartes au début d'une série ne veulent pas valent cher. Ouais. Parce que le monde les veulent s'y procurer le plus rapidement possible. Mm-hmm. La demande est là, elle est vraiment élevée au début. Ouais. Peu importe si la carte est bonne ou mauvaise, là, ou va avoir une place dans le standard, ben, son prix est quand même relativement élevé au début de la série. Donc, c'est certain que s'acheter une boîte au début et revendre toutes les cartes que tu considères moins jouable ou que tu ne joueras pas toi-même pour t'acheter le restant de tes cartes que tu veux jouer, c'est souvent très très bon. Donc ben moi je trouve que c'est la meilleure façon parce que de un ben ça donne les communes, une commune que tu vas avoir besoin pour jouer tes decks. Ouais. Ça donne quand même beaucoup de valeur. Tu peux rentabiliser dans ta avec une boîte dans le fond au début d'une série. Plus ça avance souvent, plus tu vas avoir de la misère à faire ça. Là. C'est vrai. Que c'est ce que j'aime en rentrant dans une nouvelle série, c'est qu'il faut vraiment rentrer au début, puis liquider très rapidement parce que ça les prix baissent vraiment rapidement après la sortie d'une série. Ouais. Donc c'est important. Ben moi si je veux faire de la micro-gestion puis acheter des. Je sais pas, m'a acheté 16 exemplaires d'une carte en pré-vente dans le but de peut-être gagner 50, 60, 70, peut-être même doubler ma mise dessus, peut-être tripler, là, je sais pas. Mais je ferais pas ça avec des cartes Magic et de la manutention, c'est compliqué, faut que tu trouves un vendeur, etc. Je ferais des penny stocks à bourse, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, dans le fond, les pré-ventes, tu passes pas à ça. La marge de profit est tellement mince, là, si vous êtes pas un magasin ou si vous faites pas juste ça de votre vie, là, Il n'y a pas vraiment moyen de ça vaut pas la peine, ça vaut pas le trouble tant que ça. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment claires, comme puis des fois tu as du temps dans des tournois entre les rondes, des PTQ, des choses comme ça, ou quand tu te fais sortir rapidement d'un tournoi, ben tu fais des échanges. Puis là, c'est à ce moment-là que moi je faisais mes échanges. Puis là, ben, je je me setais comme quelques listes de cartes que je voulais ramasser. Mm. Par exemple, quand les Deathrite Shaman étaient 5$, ben là, je me suis dit, ben ça, cette carte-là, c'est ridicule. Puis okay. c'est impossible que ça reste 5$ tout le temps. Là, ça va monter, c'est sûr. Fait que j'en ai ramassé, j'en ai stacké 20. Là, il est monté à 12$, 13$. Puis là, je me suis dit, ben, c'est joué dans tous les decks modernes, puis c'est joué dans tous les decks Legacy. Fait que je les ai gardés. Je me suis dit, dans 6 mois, ça va taper 20$. Mm-hmm. Puis là, ils ont banni. Fait que. Ouais. Il y a ça qui peut arriver. Mais tu sais, sinon, tu sais, à part, même si je me suis trompé sur ça, ça me dérangerait pas de le refaire si j'étais vraiment sûr de ma shot. Mais c'est pas avec ça que je m'attends de rentabiliser mon investissement sur Magic. Ouais. C'est comme juste un aspect de plaisir. Puis ça devient quasiment une petite fierté que tu te dis, ben ouais, regardez, j'avais réussi à caler le shot sur celle-là, tu le dis pas sur toutes les autres, tu t'es trompé. C'est ça. Mais par exemple, ce que j'aime bien de ce que BP t'a dit, par exemple, c'est le fait que je serais curieux, c'est clair qu'il y a déjà un geek à quelque part qui a calculé ça, là, mais mettons qu'une boîte sort au début de la série, disons qu'on prend chaque rare ou chaque carte qui a un peu de valeur, puis tu calcules, disons, la valeur moyenne d'une boîte. Versus à la fin de la série, c'est clair que ta boîte est plus rentable au début que vers la fin de sa vie. Il y a de des sites pour voir ça. Ouais, c'est y clair. Il y a des sites qui font ce calcul-là. Ouais. Je sais pas si tu le sais. Non. BP, en tout cas, sur Magic, de Magic Online, MTG Goldfish, il y a les chiffres pour Magic Online, la valeur de la série. Ok, ouais. Mm. Il y a sûrement ça, c'est pour Paper. Ouais. Sur MTG Stock, je pense qu'il donne la valeur moyenne du booster, je ne me trompe pas. Fait que c'est clair que c'est vrai que c'est une bonne façon, une bonne porte d'entrée dans un nouveau format. Ben pas un nouveau format, mais une nouvelle série, c'est clair. Tu achètes une boîte au début, tu vas te chercher la valeur où est-ce qu'elle est, puis tu as au moins une bonne base pour te créer un deck standard tranquillement. Puis c'est de jouer, tu sais, c'est ça l'idée, c'est d'aller jouer. Le but, c'est de jouer finalement, c'est pas non plus de juste... Des fois, tu es content, puis tu frappes un coup de circuit, là, mais quand tu ouvres 1000 boosters... Puis que t'as mis 4$ par booster, c'est rare que tu vas chercher 4000. Ton 4$ par booster. Tu vas aller chercher 2,50, 2,60, 2,80. Ouais. Pis c'est normal parce que s'il y avait plus de valeur dans les cartes Magic que l'argent qui rentre, toute l'économie de Magic s'effondrerait. Ben, en fait, le monde nourrirait à l'infini jusqu'à ce que le prix descende. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui éventuellement ça descend. Ouais. Je veux dire, il y a une certaine demande. Une fois que la demande est comblée, Puis, tu sais, si on veut boucler la boucle sur ça, tu sais, ça revient un peu à ce que j'avais dit au début. Je m'attends jamais à revoir plus que 60-70% de la valeur de mes cartes. Ouais. Puis, c'est de la valeur que ce que je mets en argent. Puis, ça revient à peu près à ce que ça vaut un booster par rapport à ce que ça coûte. Mm. Donc ça rejoint ça, à moins de vraiment... Ouais, c'est ça, à moins d'être un magasin. Ouais, c'est ça, ou d'être vraiment ultra à ton affaire, puis d'en ultra faire presque devant, une micro-entreprise. Puis... Mais comme tu disais, Renaud, si t'es vraiment à ton affaire, tu vas peut-être aller chercher 80-85%, 90%, mais je trouve bien rare les... C'est bien rare les personnes qui sont capables de faire de l'argent avec ça. Là. Fait que finalement, l'idée, plutôt que de faire de l'argent, c'est de se monter une collection qu'on aime, qui comble nos besoins, peut-être qu'on est fiers aussi, tu sais, puis de pouvoir jouer les formats qui nous intéressent, d'avoir des cartes qu'on aime dans une belle collection, puis d'accepter qu'à quelque part, c'est une dépense, mais on peut essayer de la minimiser en allant des fois... déplacer des cartes d'un format vers un autre à des moments où il y a plus de valeur, par exemple dans des cartes standards qui vont éventuellement en perdre, puis on les transporte vers peut-être d'autres cartes de d'autres formats plus éternels qui risquent de maintenir une valeur, qu'on aime notre collection, puis qu'en même temps, qu'on puisse jouer, parce que j'aimais ce que tu disais tantôt, Renaud, une des meilleures façons de rentabiliser Magic au-delà de la collection, c'est carrément d'être un bon joueur puis de gagner des tournois, là, tu sais, finalement, c'est peut-être une des meilleures façons de faire de l'économie de Magic, c'est de jouer, puis de devenir bon, puis de gagner, t'sais. puis d'avoir du plaisir. Ouais, exactement. Là-dedans, le plaisir est vraiment important. Mais c'est juste que, comme BP, je t'ai vu souvent, par exemple, dans les magasins, puis tu ouvres tes cartables, puis je suis là, ah, je suis comme jaloux. Tu sais, t'as comme plein de land. Je suis comme, ah, pourquoi moi j'ai juste des communes. puis d'ouvrir des Yugen Foil coréens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est qui. Je sais pas c'est qui a ouvert ça. Non, mais. Comment t'en es venu, toi, tranquillement, à avoir une collection que t'aimes? C'est quoi tes grandes têtes tendances que tu fais arriver à ça? Ouais, ben c'est il y a quelques passes qui m'ont été favorables dans l'histoire du jeu. Okay. C'est certain. Écoute, j'ai commencé à jouer avant Modern. Ouais. Donc aussitôt que le format a sorti, ben j'avais déjà la plupart des cartes. Je veux dire, j'ai pas eu à temps investir dans Modern pour jouer les decks que je joue aujourd'hui. Okay. Maintenant, à l'époque, j'étais plus un peu collectionneur. J'avais monté des séries foil au complet, que maintenant, ben, ça vaut vraiment cher. Bon, j'ai fait une couple de passes que je me disais, bon, ok, peut-être ça va venir, peut-être ça reviendra pas. J'ai plus gamblé que d'autres choses, mais okay. Aujourd'hui, ça m'est revenu. Mais il y a certains trucs qui sont inévitables, puis ça, c'est des trucs que les joueurs, des fois, ils comprennent pas absolument. Puis là, je donne un exemple parce que je regardais la sortie d'un Modern Master 2 qui va être cet été. Ouais. Puis là, bon, ok, c'est secret, qu'est-ce qui va être là-dedans, puis il y a personne qui le sait vraiment. Ouais. Bon, on sait plusieurs informations, donc deux cartes, donc il va y avoir plusieurs archétypes qui vont être. Je crois deux couleurs maximum. Puis ça va pas être les mêmes qu'on avait dans Modern Master 1. Okay, ouais. Mais à ce moment-là, c'est ça, tu sais, on sait avec ces informations-là, on peut en déduire bon, qu'il y a quelques cartes qui vont être imprimées en Modern. Est-ce que ça va vraiment enlever baisser le prix de toutes ces cartes-là? Non, okay, on ne sait pas, mais il y a certains trucs bon, qu'on peut spéculer sur ça. Puis là, ben, je regardais ça justement. La plupart des personnes s'entendent pour dire, bon, par exemple, que les fetchlands de Zendikar bon, vont être représentés dans Modern Master. Ok, ouais. La plupart Origin, j'ai entendu parler du monde qui pense que ça va être dans Origin carrément. Ok. Ouais. Okay. Ouais. Ben, c'est ça qui est un peu, ben, on peut pas vraiment le prédire, mais pour un set comme ça, bon, ok, c'était le core set que tu parlais, là, Origin, ouais, ouais. C'est, à ce moment-là, c'est le dernier core set qui va sortir cet été. Je pense que ils vont faire quelque chose de gros dans Origin, ils vont faire quelque chose de gros dans Modern Master 2. Ouais. Personnellement, je ne crois pas qu'ils ont besoin de, j'appellerais pratiquement ça un jeter de l'argent poubelle de mettre leur fetchland dans une série comme ça qui va déjà se vendre sold out tant qu'à moi. Puis en tant que compagnie, bon, Wizards c'est une compagnie, ben ouais. Une compagnie c'est là pour faire de l'argent. Au final, ils veulent vendre leur série. Je prévois plus qu'ils vont mettre ça dans une série comme dans le prochain bloc ou quelque chose parce que c'est pas que. Ils veulent les vendre leur série standard. Il faut qu'il y ait de quoi pour attirer les gens de tous les formats. Ouais. Modern Master 2, c'est déjà vendu. Ils l'ont déjà sold out en l'annonçant. Okay? Donc, c'est pas de quoi qu'ils ont besoin de faire. Fait que là, il y a certains trucs comme ça que tu peux voir juste en poussant un peu plus ton raisonnement, dire bon, ok, sûrement ça se pourrait, mais. D'après moi, ils feront pas ça. Ouais. Puis là, ben, c'est de savoir un peu, quand garder et vendre tes cartes, si, mettons, t'en as plus qu'un playset ou tu veux t'es gardé depuis l'époque, tu les avais achetés à 10$ à l'époque, les patchlands, ouais. Tu veux savoir quoi faire avec. Bon, okay. Quand le temps de vendre. Ouais, ouais, c'est clair. Fait que il y a beaucoup de trucs, ben, en tout cas, il faut. Tant qu'à moi, pour gérer une bonne collection, ça serait de regarder, d'être à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans Magic overall. Ouais. Puis en jouant à quelques tournois, puis en étant dans la communauté, ouais. tu le fais de base. Donc, ouais, ouais. Normalement, chaque joueur a son background déjà. Quand il suffit de jouer un peu en tournoi, puis tu l'as déjà, ça, tu sais quand est le temps, quand n'est pas le temps de ramasser des cartes. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, c'est... Parce que, mais j'aime ça, le fait qu'on revienne un peu toujours à ça, là, le fait que pour bien gérer une collection de Magic, il faut quand même que tu sois actif au niveau du jeu, sinon ça va être difficile de rester à l'affût des tendances, de ce qui se passe, puis de pouvoir sentir que c'est le moment, justement. T'sais, c'est clair qu'il n'y a personne qui a le goût que, tu sais, mettons, justement, tes Fetchlands, t'es ramassé à 10$, quand ils sont rendus à 20, tu te dis, ouais, là, j'ai peut-être attendu trop tard avant d'aller transformer ça en un, tu sais, pas trop en perte, au sens où c'est de la fine ligne, là, de savoir à quel moment mes cartes, pour pouvoir continuer à jouer à ce jeu-là sans que ça me coûte trop cher, à quel moment je dois finalement faire la transition vers soit d'autres cartes ou finalement de l'argent, tu sais, pour retour sur l'investissement. Mais comme Renaud disait, lui, toi pour toi, Renaud, c'est comme, t'as même. Juste en jouant naturellement puis en suivant les tendances sans trop être autant à faire, selon toi, tu vas aller chercher comme 70% de de ce que tu as mis au début, puis ben ça va être ça dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça à quoi je m'attends, puis si j'ai plus, ben je vais être content. OK. Mais avant non, mais c'est 60% là, comme maximum dans ma tête, c'est ce que je vais aller chercher. Ouais. Puis advienne que pourra, tu sais. Ben ouais. Mais il y a beaucoup de cartes en ce moment qui sont juste sur mes tablettes. Il y a des boîtes pas ouvertes, des choses comme ça. Mm-hmm. Ça, je peux pas calculer. Je sais pas la valeur en ce moment. Mm-hmm. C'est quand je vais vendre que je vais vraiment savoir, mais est-ce que je vais vendre ça? Ouais, c'est ça. Hey, les gars, avant de. Peut-être en vendre des parties, mais bon. Avant de se laisser. Je veux juste dire une chose. Une petite mise à jour sur le deck de Sage of Hour. Ah ben ok. Puisqu'il le faut, hein. J'ai dépassé le seuil de 60% hier de victoire, de 60% de match gagné sur Magic Online avec Sage of Hour. As-tu pleuré? As-tu versé une petite larme? Oui. Fait que je fais des 8-men quasiment à chaque jour. Je fais au moins un 8-men ou un daily ou des choses comme ça. Ok. Super, hein? Puis ouais, 60%, 60,1% de match win avec Sage of Hours. Et puis, je suis à 44% de combo. Je tiens les statistiques parce que je veux. C'est bon. Je veux prouver aux gens que c'est un deck qui est parfaitement raisonnable. Puis à 44% de combo de game, de parties qui se finissent en combo, je trouve ça quand même très élevé pour un deck standard. Puis le deck est très bon sinon. J'ai fait quelques petites modifications, mais en apprenant comment le deck fonctionne puis qu'est-ce qui est bon, j'ai réussi à bâtir un deck avec lequel je suis à l'aise de jouer, ouais. Qui gagne assez pour que ce soit raisonnable de jouer avec. Là. C'est pas 45% de match win, puis je fais jamais de... Je refais au moins mon argent quand je rentre dans un tournoi. C'est pas juste drôle, là. Tu sais, il est quand même compétitif, moindrement. C'est ça. J'ai du plaisir à le jouer. Puis je suis fier aussi d'être parti d'une idée qui était au début d'une blague, puis d'avoir fait quelque chose. Puis ça me donne le goût de construire des decks plus souvent. Ah ben ouais. Puis je vous enjoins à le faire, vous aussi. Mm-hmm. Construisez des nouveaux decks, puis sortez un peu de la metagame, des sentiers battus, travaillez fort, essayez. Puis c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment osé de faire avant. Puis en ce moment, c'est en train de me redonner le goût de jouer à Magic pas mal plus qu'avant. Ouais. Puis c'est sûr et certain que vous allez vous planter. Au début, j'avais 40% de match win. Mais là, ça va bien. Puis j'ai appris le deck, puis etc. Oui. Fait que des fois, ça prend juste ça, un peu d'acharnement, puis savoir reconnaître quand l'idée est bonne, puis savoir arrêter quand l'idée est pas bonne. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça, mais c'est clairement là, un bout qui est le fun de Magic. Là. C'est le fait que... Puis c'est un deck qui m'a rien coûté parce que sur Magic Online, les cartes comme Abzan et toutes ces choses-là sont vraiment très élevées. Mm-hmm. Puis les autres cartes qui sont pas jouées ne valent rien. Ouais. OK, strictement rien. Fait que sur Magic Online, de jouer un deck que les gens jouent pas, c'est encore plus avantageux que sur papier. Sur papier, il coûtait un peu plus cher que sur Magic Online. Ouais, mais sur Magic Online, là, il y a vraiment un gros avantage à jouer un deck qui coûte vraiment pas cher. Si l'investissement initial est vraiment plus bas, ben ça se rentabilise plus rapidement. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est deux des plaisirs du jeu de Magic, c'est quand de construire un deck. Que c'est quelque chose de le fun à faire. C'est pour ça que moi, limité, j'aime bien ça, parce qu'à chaque fois que tu joues un draft ou un seal, ben c'est, tu fais de la construction de deck, puis c'est un bout que j'aime beaucoup, tandis qu'en construit, justement, c'est un peu une petite gêne d'arriver avec un deck que t'as comme brassé toi-même, puis t'es comme gêné, parce que t'oses pas arriver avec ta pile qui est pas dans les top 8 de tous les tournois, tu sais. Mais à quelque part, c'est un des plaisirs de Magic, ça, puis aussi... Tout l'épisode, là, le fait, un peu, tu sais, les échanges que tu penses aller chercher peut-être un petit edge sur l'autre, là, de dire ah oui, ben cet échange-là, je pense que je vais avoir à long terme, là, d'après moi, ce carte-là va valoir quelque chose, puis tu réussis à ce que oui, effectivement, t'avais raison. Tu sais, ce petit côté-là, c'est le fun, pareil. Tu sais, dire, tu sais, comme tu disais, tu sais, le Young Pyromancer ou l'elfe là, qui coûte un, qui est banni. Death Rite. Tu sais, c'est des cartes que tu vois, tu fais ah oui, ça va valoir quelque chose quand ça vaut 5$, puis là, t'as raison, puis ça monte. Fait que le brew, t'sais, brasser des decks et faire des échanges qu'on pense qu'on a un petit edge, c'est des plaisirs de Magic. Puis je comprends, Renaud, que à un moment donné, quand si t'as perdu un peu le plaisir de jouer, puis tu fais juste prendre les decks qui gagnent des tournois tout le temps, puis tu les joues, puis que t'as pas le petit côté affectif qui va avec, c'est clair que Magic perd un peu de sa magie. Mais c'est ça, mais je sais pas si j'en avais déjà parlé le dernier ou l'autre podcast d'avant. Ouais. Mais je m'attendais à ce que. Je m'attendais de gagner en prenant un deck gagnant. Ouais. Puis des fois, ben, soit la préparation était pas à son niveau, soit mon jeu était pas optimal parce que ben le deck était bon de toute façon ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, je sais c'est quoi le plan du deck, je sais comment il fonctionne, je sais qu'est-ce que je peux garder comme, qu'est-ce que je peux pas garder. Je sais comment sideboarder exactement parce que c'est moi qui ai fait le sideboard de A à Z, je l'ai pas pris sur internet, ouais. Fait que j'ai pas à essayer de deviner qu'est-ce que le plan de sideboard. Des fois, il y a des guides de sideboard assez détaillés qu'on peut trouver sur Internet, mais des fois, c'est juste des listes. Mm-hmm. On ne sait pas exactement quelle carte va dans quel match-up. Puis des fois, tu peux scraper ton match-up juste en rentrant pas les bonnes cartes ou en sortant pas les bonnes cartes. Ouais. Mais en sachant pourquoi chaque carte est dans mon deck, je suis pas mal certain que je vais chercher un 4-5% que j'aurais pas avec en jouant un deck qui serait capable d'aller chercher 65% de match win, mais que je sais juste pas exactement tous les détails du deck. Voilà. Puis ça, ben c'est quelque chose qui est réconfortant un peu là. Ouais. C'est le fun. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Je tenais juste à dire quelque chose, un petit salut. Ça m'a fait penser à quelqu'un justement qui joue avec nous à Sherbrooke, Grégory Bach, qui arrive tout le temps avec une pile au tournoi. Puis je trouve ça presque inspirant. Arriver avec son brew au tournoi, c'est quelque chose que tu peux être fier après. Puis moi, je trouve ça super. Puis de la façon que tu en parles, vraiment, là, je sens que tu es fier de ton brew. Oui, mais c'est cool. Mais oui, effectivement. Puis, ben ouais, écoutez, je voulais qu'on touche à un autre sujet, mais je trouve que c'était émouvant, là, finir sur une note aussi. Parce qu'en fait, la question que j'allais poser, c'est le fait que, justement, tu sais, vu qu'on parle de finances depuis tantôt, puis un peu le fait que Standard, ça a tendance à donner des espèces de bulles à des cartes. Tu parlais tantôt de, mettons, les cartes d'Abzan sur Magic Online, c'est des grosses bulles autour des cartes qui sont le plus jouées, comme Abzan, mettons, autour de Sea Drino, j'imagine, puis des cartes genre. Mais que souvent ça laisse d'autres cartes dégonfler et ça fait que Standard c'est un format qui souvent justement ça marche par des grosses bulles, ça gonfle, ça dégonfle, puis souvent financièrement c'est un peu épeurant. Et là, la façon que Magic va fonctionner, ils vont changer la structure des blocs, les cartes vont rester légales en Standard seulement que 18 mois maintenant. Donc ça, est-ce que ça va empirer ce phénomène-là ou ça va un peu le ralentir, cet effet de bulle-là, ou ça aura aucun changement selon vous? Je sais pas, avez-vous une opinion là-dessus? Ben... Moi, l'exemple qui me vient en tête pour parler de ça, c'est Tassa puis Master of Wave. Mm-hmm. L'année passée, c'était très élevé, puis maintenant, ben... C'est inexistant. Non, c'est ça. Fait que... D'après moi, en me basant comme sur ça, comme exemple. Mm-hmm. Je veux dire que 6 mois de plus ou 6 mois de moins, ça changera pas grand-chose sur la tendance que les cartes peuvent avoir. C'est vraiment dépendant de qu'est-ce qui est joué en ce moment. Okay. Puis ça, habituellement, ça dure 4 mois de toute façon. Okay. Fait qu'à chaque sortie de set, il y a le potentiel de que des cartes disparaissent complètement de la metagame. Puis ça, ben, ça changera pas. Avec un débloc de 18 mois, ça changera pas vraiment. En même temps, c'est que, admettons que t'as mis 14 cartes. C'est mon hypothèse. Mais si t'as mis 14. Ah, ça, c'est mon hypothèse. Ouais, non, ben, c'est une bonne hypothèse, mais moi, ce que je. Dans le fond, ma question, ça dit, mais est-ce que ça va pas. Tu sais, comme quand Master of Waves a gagné le Pro Tour, puis que. Le lendemain, elle valait comme, mettons, 20$, puis que la journée même valait 2$, disons. Là. Le fait qu'il y a du monde qui ont acheté la carte à 20$, mais que là, au lieu de pouvoir la jouer, mais là t'as raison en disant qu'ils n'ont pas pu la jouer bien plus longtemps, là, mais de savoir que tu vas pouvoir la jouer moins longtemps, est-ce que c'est pas un incitatif de moins s'investir dans Standard, ou selon toi, ça changera absolument rien dans le niveau d'investissement des joueurs pour éviter ça, là, trop d'acheter des cartes qui vont dégonfler dans pas long? T'sais. Le tournoi qu'il y a demain matin, il est demain matin quand même. Ouais, moi c'est clair. Ouais. Fait que les cartes qui gagnent, c'est les cartes qui gagnent, point final, vraiment. Mm. Toi, BP, exactement. C'est quoi ton point de vue sur la nouvelle rotation? Ben, la nouvelle rotation, moi je dis, pour avoir joué beaucoup à Standard, là, cette forme-là, une rotation aux années, c'était souvent une rotation de trop pour les joueurs, parce que les joueurs, ils devaient se racheter d'autres cartes et se départir de ceux qui s'en allaient. Mm-hmm. Là, il va y avoir comme 2 rotations à l'année, si je ne me trompe pas. Ben, c'est parce qu'à chaque 6 ouais. mois, il va y avoir une rotation des 2 plus loin 7, dans le fond. Ouais, exact. Donc, il va y avoir toujours de 5 à 6, 7 en standard. À la fin des 6-7, au 7e, à la sortie du 7e, les 2 plus loin vont être kickés out. Ouais. Fait que, ils vont sortir. C'est sûr que ça va shifter, la metagame va changer beaucoup plus rapidement parce que, à chaque 6 mois, la metagame va changer drastiquement, je crois, parce ouais. que, ben, de façon plus drastique, je crois. Parce que non seulement il va avoir un nouveau set, mais il va avoir 2 sets de moins à chaque fois. Donc, c'est soit la série sort et 2 sets s'en vont, ou une série sort et se rajoute aux 5 sets qui étaient présents. Mm-hmm. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a un peu de cacophonie en ce moment. Avec surtout quand le deuxième core set rentre ouais. dans le format, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Ouais, il y a vraiment trop de cartes. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a eu, je pense, 8-7 en standard. Ouais. C'est beaucoup trop, là. Ouais, il y a des cartes qui sont noyées, c'est sûr. Le lendemain, il y en a 4, là. Ouais. Ben, en fait, il y en a 5 avec la sortie du nouveau. Fait que c'est entre 5 et 8-7 qu'il y a tout le temps en standard. Ouais. Là, à place, il va avoir exactement entre 5 et 6-7. Donc, ça va être plus constant au niveau du nombre de sets qu'il va avoir. Mais la rotation va se faire à chaque demi-année, donc c'est discutable comment tu peux voir ça, mm-hmm. Moi je vois ça comme que des cartes vont être jouables moins longtemps, si on peut dire, ouais. Sur un certain point, parce que du moment où tu avais 8-7 en standard, ben, tes cartes étaient jouables plus longtemps, hein. Ouais. Donc, disons Goblin Rebel Master, il est joué depuis qu'il est sorti, puis il va avoir été joué pendant toute sa vie légale, finalement. C'est ça, je veux dire, mm-hmm. D'un côté, ça va mélanger un peu plus les choses, mais en fait ça va être différent, là, ouais. Je veux dire, comme tout bon format, là, je veux dire, il y a des cartes qui sont légales, d'autres qui sont pas, ben ça va mener, je pense, plus de constructeurs de deck, je sais pas comment les appeler, les brewers ouais, sur ouais. internet, là, ceux qui sont spécialisés là-dedans, ben ils vont en avoir pour leur argent pour ça, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de changements, je pense. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est j'ai hâte de voir d'un point de vue justement financier, est-ce que ça va, il y aura rien qui va changer, puis ça va, standard va encore fonctionner par des grosses bulles, puis qui vont se gonfler et s'écrouler. Ouais, je pense malheureusement, comme dit Renault, là, ça risque d'être la même affaire. Ouais. Tu veux la jouer la carte, ben, tu vas l'acheter. Ouais. Tu vas l'acheter pareil. Ouais, ouais, ouais. T'as un tournoi le lendemain, il va falloir la carte qui a gagné le proto, il va te la falloir. Ouais. Non, c'est clair. Fait que ça va pas rien changer là-dessus. Ce que ça va changer, c'est peut-être au moment où il va falloir que tu liquides les cartes que tu veux pas jouer. Ouais. C'est certain, comme j'ai parlé tout à l'heure, bon, au début d'une série, quand tu achètes une boîte, les cartes valent vraiment cher. Mais à un certain point dans le standard, quand les cartes ont une valeur établie, à quel point c'est le moment des ventes, mais là, ça va être différent maintenant. Ouais, exactement. C'est ça. Il va s'agir d'identifier c'est quand le bon moment, puis ça va prendre un peu de temps, ouais. J'imagine. Puis il faut tout le temps essayer de devancer les shops à ce jeu-là, parce que ouais. Souvent, tu vas te faire. Souvent, tu vas arriver, puis comme l'installeur avec ses tracteurs, ce que nous, ça se peut que tu fasses avoir. Tu achètes à 20$, puis ils te reprennent juste à 4$. Moi, mon ordi commence à laguer parce qu'il y a beaucoup de mémoire avec le oui. Fichier. C'est bon, pas trop. Ben, de toute façon, je pense qu'on a fait un bon épisode, les gars. On a fait un bon tour d'horizon de tout ça. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra en parler à chaque semaine, à la limite, mais je pense qu'on peut retirer une couple d'affaires bien intéressantes de ça. Si, avant de partir, toi, BP, s'il y avait une carte là, que tu avais à acheter en ce moment à Magic, ce serait quoi? Si tu dis, ah ouais, là, ça, je pense, une bonne carte à aller investir en ce moment, ce serait laquelle? En fait, je vous dirais d'aller voir un format complet pour le moment, okay. Parce que je pense que ça va être le prochain nouveau format. Puis, bon, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, là, Tiny Leaders. Okay. Je pense que vous en avez peut-être déjà parlé dans votre émission. Pas beaucoup, non. Mais c'est ça, c'est vraiment un nouveau format là, qui émerge sur les réseaux sociaux. Puis, des tournois un petit peu commencent à popper ici et là, là de ce format-là. Okay. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. Je veux moi-même me monter un deck parce que je trouve ça super intéressant de voir c'est quoi qui peut être bon dans ce format-là, comme mm-hmm. tout nouveau format. En ouais. fait, puis si je peux expliquer vite là, pour les gens qui sont pas familiers avec le nouveau format, Tiny Leader, c'est un peu comme Commander. Sauf que c'est bon, okay, on retire un peu plus l'aspect casuel du format en mettant ça compétitif un contre un. Mm-hmm. Puis c'est seulement des cartes de mana cost 3 et moins qui sont permises. Ouais. C'est un deck de 50 cartes. Chaque carte doit avoir un nom anglais différent dedans, comme Commander. Okay. Sauf les basic lands. Mm-hmm. Mais c'est 50 cartes différentes et on a un commandant à 3 mana cost et moins aussi. Okay. Fait que ça, c'est un format qui émerge. Puis présentement, je te dirais qu'il y a des cartes qui sont très bonnes dans ce format-là. Que des fois, les versions foil de ces cartes-là, bon, peuvent peut-être augmenter. Mais, OK, ouais. Ah, fait que bon, c'est un format. Je dirais de regarder ce format-là en général. OK. Parce que c'est quelque chose. Fort intéressant, excellent. Renaud, toi, si t'avais à mettre un peu de l'argent de ta collection dans un format ou dans une carte, tu ferais quoi? Des Tatties. Ah ouais? De quelle édition? Oui. De Terros. Ah ouais? Peu importe. Okay. Ça dérange pas. La façon que Moderne s'enligne en ce moment, très axée vers le combo, mm-hmm. Des choses comme ça. Tatties, c'est vraiment un des incontournables dans le format si tu veux jouer un deck fair. Mm-hmm. Une fois que ça va être sorti de standard et que les gens vont réaliser à quel point c'est une carte nécessaire, je pense que ça va au moins garder la valeur que ça a en ce moment. Ouais. Donc, c'est souvent l'investissement le plus sécuritaire qu'il y a possible. Okay. Ouais. En ce moment, je pense, dans les cartes standard là, qui vont sortir mm-hmm. De Terros, c'est la carte que tu veux garder. C'est la carte que tu veux ramasser chez les autres qui vont se débarrasser de leur stock standard. OK. D'après moi, bon ce serait ça que j'achèterais en plus grande quantité en ce moment. Excellent. Ah, puis moi, en ce moment, je suis dans les Flooded Strand de ce monde. Je trouve que la version du nouveau set est pas très chère. Puis c'est une carte qui, ça va être plus long, là, mais tous les chocs, en fait, là, pas mal tous les chocs du nouveau set, je trouve que c'est un bel endroit pour mettre... des sous de sa collection. Comme, mettons, moi, je suis allé faire... J'ai buy-listé plein de mes petites junk rares à 1$. Là. Puis j'ai fini par avoir, mettons, 70$ là, de cartes qui dorment dans mon cartable. Puis j'ai transformé ça en 3 Shockland. Puis je trouve que c'est une bonne... Fetchland. Fetchland, excuse-moi. En 3 Fetch. Puis je trouvais que c'était un très bon choix. Là, ouais. Et les Fetchlands sont peut-être pas à leur prix le plus bas, là, mais ça va pas aller plus bas que ça, je pense. Ouais, c'est ça. Mais qu'ils remontent, c'est sûr qu'ils vont remonter à ce prix-là, du moins. Sinon, éventuellement, sinon plus. Puis je pense que c'est quelque chose que peut-être beaucoup de joueurs font pas assez. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te détaches de certaines cartes puis d'aller voir. Il y a certains sites internet qui le font, là, ou sinon votre magasin local, puis c'est d'aller amener vos cartes que vous jouez plus. Puis si vous n'êtes pas capable de les échanger, ben allez les buy-lister, puis transformer ça en des valeurs plus sûres. Je pense que c'est une façon de des fois rentabiliser sa collection. All right, ben messieurs. Ouais, des fois, vous gagnez votre premier draft, là, puis là, vous gagnez une rare foil là, qui vaut 5-10$, puis là, vous voulez pas l'échanger jamais. Ouais, c'est ça. Ou j'avais des Il y a pas de sentiment à Magic avec les cartes. Là. C'est bon. Alright, ben merci les gars d'avoir pris le temps pour cet épisode-là, c'est bien le fun. Merci BP d'avoir joint l'épisode. Ça fait plaisir. Excellent, puis on en refera ça une fois de temps en temps, c'était bien intéressant. Puis Renaud, ben va te chercher un bang puis un café. Yes. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut les gars!